Suleiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le procès opposant Gaston Rwasa à l'autre parti autour de la direction du parti CNL n'a pas eu lieu ce jeudi comme prévu en raison de l'absence de cette partie et a été remis au 25 septembre 2025. Donc après les prochaines élections, ce député y voit un manque de volonté de la part de la justice de trancher dans cette affaire. La Loterie nationale du Burundi sera bientôt une agence de régulation des jeux de hasard au Burundi et aura donc un pouvoir de contrôle des activités des sociétés de jeux de hasard, annonce faite ce mercredi par le directeur général de la LONA. C'était lors d'une conférence de presse. Et les réfugiés congolais déjà présents en commune Rugombo de la province Cibitoke se comptent à plus de 47 000 depuis le 14 février dernier. Ce chiffre est donné par la représentante pays du HCR lors d'une visite d'évaluation ce mercredi. Ces réfugiés qui vivent dans des conditions difficiles devraient être transférés à Ngaro et à Rutana après leur enregistrement. Voilà pour le sommaire. Le procès lié aux mésententes autour de la direction du parti CNL qui était prévu ce jeudi devant la Cour suprême n'a pas été entendu en audience publique. Et pour cause, seuls Agathon Rwasa et ses fidèles se sont présentés, la partie adverse s'étant absentée. L'affaire a été remise au 25 septembre 2025. Agathon Rwasa trouve que ce rendez-vous lointain qui interviendra après les prochaines élections traduit un manque de volonté de la part de la justice de trancher dans cette affaire. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Ce qui se fait remarquer, que même un aveugle pourrait voir, c'est qu'il y a une manipulation politicienne par rapport à ce dossier. Parce que le rendez-vous d'aujourd'hui était bien connu de tous, mais la partie adverse n'a pas répondu présent. Même son avocat s'est fondu dans l'anonymat, quand bien même il était là. Et de surcroît, on voit que la Cour penche toujours sur ce qu'elle a toujours cherché à mettre en pratique. Vous savez, lors de l'audience de novembre, la Cour proposait que la prochaine séance ait lieu en septembre de cette année-ci. Si ça a été programmé aujourd'hui, c'était juste parce qu'il y avait une protestation. Mais voilà, on remet encore à septembre. Comme pour ceux qui dirigent ce pays, il n'y a pas urgence que ce procès connaisse une fin. Et c'est très dommage parce qu'une société où la justice fait semblant d'exister, c'est une société qui n'est pas viable et qui n'a pas, probablement pas d'avenir. Après cela, qu'est-ce que vous comptez faire au sein de vos partis? Nous ne pouvons qu'attendre. Après tout, le temps, c'est quelque chose de très précieux. Et le temps fait déboulonner les pièces les plus coriaces. Je me dis que nous devons rester avec notre patience parce que la patience paie. C'est plutôt le ministère public qui devrait tout faire pour faire pression sur l'autre camp, pour que quand même il respecte nos fiscaux au tribunal, qu'il respecte la Cour. Il y a un manque de respect. Et le rendez-vous d'aujourd'hui sera après les élections. Qu'est-ce que vous en dites? Les élections, c'est une compétition. Oh, il n'y a pas de compétition. Seul le CNDD, FDD et ses alliés vont participer à cette soi-disant élection qui auront lieu bientôt. Seulement attendre voir. Mais de toute façon, quand bien même cette mascarade électorale devrait avoir lieu, avec comme acteur le CNDD et ses alliés, j'ai peur que les institutions post-électorales ne pourront rien améliorer, mais plutôt empireront la situation davantage. Le député Agathon Rwasa. La Loterie nationale du Burundi sera bientôt une agence de régulation des jeux de hasard au Burundi, a annoncé ce mercredi le directeur général de cette institution lors d'une conférence de presse. Fabrice Niragira ajoute qu'avec les moyens à sa disposition, cette nouvelle structure aura le pouvoir de contrôler les activités de ces sociétés de jeux de hasard et de connaître les montants qu'elles collectent. Suivez-le dans cette traduction en français d'Omer Ndouayo. Je peux dire que l'ONA a fait entrer une somme d'argent équivalent à 548 millions et 400 000 francs burundais seulement. Je précise bien, c'est pour l'année 2023, parce qu'il n'y avait pas encore eu des contrats de partenariat public-privé afin qu'il arrive un expert pour collaborer avec l'ONA en vue de bien vérifier comment les sociétés des jeux du hasard travaillent et combien il faut entrer par jour ou dans un mois. Depuis la signature de ces contrats, cette somme est collectée en 2023. L'ONA peut multiplier 10 fois cette somme dans une période de 3-4 mois. Alors, nous félicitons le gouvernement qui a vu l'importance de travailler en respectant la loi pour que le trésor public ait de l'argent en provenance de ce jeu. Très prochainement, l'ONA va changer de nom pour être une agence de régulation des jeux de hasard au Burundi. Et dans cette même ligne, l'ONA a tous les pouvoirs de suivre le fonctionnement de ces sociétés pour que ces dernières présentent la somme d'argent encaissée et afin qu'elles soient taxées selon l'argent collecté. Cela a été possible grâce à la collaboration avec la société B&N Partners qui a apporté des équipements et technologies modernes qui faciliteront dans le suivi du déroulement des activités de ces sociétés se basant sur les contrats de partenariat signés entre le gouvernement du Burundi et la société B&N Partners. Fabrice Niragira, c'est le directeur général de la Loterie nationale du Burundi, l'ONA. Il est crucial que les agriculteurs burundais soient sensibilisés à l'usage des semences produites localement à la place de celles importées. Appel d'un multiplicateur des semences, en même temps secrétaire général du collectif des multiplicateurs de semences, après les lamentations des cultivateurs de la province de Mwaro sur les prix des hybrides devenus exorbitants. Se référant sur les semences du maïs, Marc Bachanamo explique que les récoltes issues de ces deux variétés de semences sont presque les mêmes. On l'écoute. C'est un défi de cohabitation des variétés hybrides face aux variétés composites qu'on dispose au pays, surtout pour la culture du maïs. Donc nous avons un problème très sérieux sur la cohabitation des semences hybrides et des semences composites ici au pays. Il y a la variété PAN 53 qui est une variété que je dirais qui est plus appréciée par les agriculteurs, mais je ne dirais pas que cette variété est plus productive par rapport aux variétés composites qu'on a ici au pays. On a essayé de faire un plaidoyer aussi du gouvernement. Il y a l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou, qui a essayé de mener des essais pour voir si réellement ces variétés hybrides produisent mieux que les variétés composites. Les résultats, peut-être provisoires, montrent que les variétés composites produisent aussi mieux que ces variétés hybrides. Aussi, il y a un problème de pollinisation. Donc, la cohabitation face à face des variétés composites et des variétés hybrides, il y a une pollinisation naturelle qui se fait, qui risque de causer un problème, puisque un agriculteur qui plante une variété composite et à côté, il y a un chat d'une variété hybride, il y a une pollinisation. Et la récolte qu'on aura n'est pas une récolte saine, n'est pas une récolte pure côté semence. Donc on essaie aussi de faire un appel au gouvernement pour qu'il y ait une disponibilité des statistiques agricoles, pour connaître les quantités de semences composites disponibles au pays, pour peut-être supplémenter avec les variétés hybrides provenant de l'extérieur, pour compléter les quantités de semences qui sont disponibles ici au pays. C'est peut-être une solution qui pourrait encourager les entrepreneurs semenciers à continuer de cultiver les variétés composites, puisque beaucoup d'entrepreneurs semenciers ont cessé de cultiver ces variétés face au manque de marché. C'était Marc Bachanamo, il est secrétaire général du collectif des multiplicateurs de semences. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Plus de 47 000 réfugiés congolais ont été déjà accueillis dans la commune Rugombo de la province Cibitoke par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Les précisions sont de la représentante pays du HCR lors d'une visite d'évaluation des rapports de réfugiés qui arrivent chaque jour à Rugombo. Et cela depuis le 14 février dernier. Brigitte Mukanga-Eno demande l'appui de tout le monde et fait savoir qu'ils sont en train de finaliser le processus d'enregistrement pour transférer tous les réfugiés dans les deux sites de Mwaro et de Rutana. Suivez Brigitte Mukanga-Eno. Rugombo, pour le moment, nous avons dit il y a les nombres qui continuent d'augmenter. Chaque jour, il y a des nouveaux réfugiés qui arrivent et nous avons déjà dépassé près de 40 000 personnes entre le stade ici et les deux écoles plus l'église. Ça fait plus de 40 000 personnes qui sont ici. Et si on va vers les autres qui entrent aussi sur d'autres points d'entrée, on parle globalement de 47 000 personnes qui ont déjà manifesté l'intérêt d'être enregistrées comme des réfugiés. C'est énorme. Les besoins sont énormes. tout à l'heure, lorsque nous sommes arrêtés au niveau du centre de santé, par exemple, ont besoin auxquels nous devons répondre. Il y a plus de 7000 enfants en bas âge qui ont, beaucoup parmi eux, n'ont ni parents, ils sont venus avec des voisins, et donc c'est des enfants qu'il faut encadrer, etc. Donc avec UNICEF, on va voir comment mettre des écoles de rattrapage assez rapidement, mais également le plus urgent pour le moment, c'est de finir avec l'enregistrement, et dès que nous avons l'enregistrement, nous allons aussi transférer tout le monde au niveau des sites de Mousseni, dans la province de Routana, et le site de Moaro, qui sont les deux sites que le gouvernement a alloués pour le moment. Et nous appelons bien sûr à l'appui de tout le monde, toutes les mains, car tout fait nombre pour ces besoins qui sont énormes ici à Rugombo. La représentante pays du HCR au Burundi, Brigitte Mukanga Enno, qui a fait une visite de terrain hier à Rugombo, où certains habitants estiment que les réfugiés congolais regroupés dans la dite commune ne sont pas bien traités, expliquant qu'ils reçoivent pas assez de nourriture ni assez d'eau et que les malades ne sont pas soignés. Ils demandent au gouvernement de prendre soin de ces réfugiés. Si on observe les conditions vitales des réfugiés congolais, la situation n'est pas vraiment bonne parce que les enfants tombent malades, mais ne sont pas soignés. Ils reçoivent de la nourriture insuffisante, ils n'ont pas assez d'eau, donc c'est dommage. Les réfugiés congolais vivent vraiment des conditions défavorables. Ils ont été rassemblés au terrain de football et il n'y a pas de latrine, assez d'eau et ils peuvent attraper différentes maladies dans mes salles. Autre chose, ils ne reçoivent pas de quoi mettre sous la dent. Nous demandons au gouvernement de se pencher sur la question de ces réfugiés, tout en construisant des sites de transit pour faciliter le suivi. Le gouvernement du Burundi, le ministère de la Solidarité, même le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique devraient sensibiliser le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, comme on le faisait dans le passé, pour que les réfugiés soient bien traités. Il faut qu'ils soient bien traités comme êtres humains. Et ces réfugiés toujours à Rumonge, dans le camp de transit de Makombe, en commune et province Rumonge, disent faire face au manque criant de vivres, de matériel de couchage, de moustiquaires, de savon et de latrines. Ces rapatriés, estimés à 1200 personnes à prédominance des enfants et des femmes, dans ce centre d'une capacité de 500 individus, n'ont pas non plus de centre de santé fonctionnel sur place et voudraient que leurs conditions de vie s'améliorent. Le responsable de ce centre appelle le gouvernement burundais à la consultation avec ses partenaires dans l'humanitaire afin d'intervenir. Jean-Pierre Misago. Depuis qu'ils sont accueillis dans ce centre fuyant les combats dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a de cela plus d'une semaine, la plupart des Congolais abrités temporairement à Makombe dorment sur des nattes, de petits tapis ou encore sur des tentes sans couverture ni moustiquaire dans des hangars parmi lesquels un réfectoire est réaffecté pour essayer de contenir l'afflux de ces réfugiés congolais dominés par les enfants et les femmes. Ils reçoivent 1,89 kg de riz et 700 g de petits pois par tête et par semaine comme aliment. Une quantité qu'ils jugent insignifiante et font face à un manque criant d'ustensiles ménagers et savons pour l'hygiène dans ce centre où les 1200 réfugiés congolais recensés ce mercredi soir se partagent les latrines destinées à 500 personnes. Par ailleurs, le centre de santé de ce centre n'est pas fonctionnel, rendant difficile l'accès aux soins de santé, étant donné que les nécessités doivent se déplacer vers l'hôpital public de Rumonge, à 7 km de ce centre. Ces réfugiés congolais voudraient une amélioration des conditions de vie. Gérard Bukeneza, responsable de ce centre, reconnaît que ces Congolais vivent dans de mauvaises conditions et trouve que le gouvernement burundais devrait approcher ses partenaires dans ce domaine pour arrêter des mesures conséquentes. Entre-temps, certains Congolais font un petit commerce pour améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit là d'une vague de réfugiés qui trouvent sur place, dans ce centre, 259 réfugiés congolais y établis bien avant et les deux groupes affirment cohabiter pacifiquement. Jean-Pierre Misago, depuis Makombe, Radio Isanganiro. En actualité internationale sans transition, un nouveau rapport intitulé « Train de vie des institutions en RDC, le pillage systématique des revenus par les élites politiques » a été publié ce lundi 24 février, rédigé conjointement par les coalitions « Le Congo n'est pas à vendre » et le réseau panafricain de lutte contre la corruption. Il met en lumière le détournement massif des ressources nationales par les élites politiques congolaises. Alors que des députés perçoivent jusqu'à 21 000 dollars par mois, les enseignants, policiers et militaires doivent se contenter d'environ 100 dollars. Dans le même temps, des millions de dollars sont engloutis dans le fonctionnement des institutions au détriment des investissements essentiels pour le développement du pays. Les auteurs du rapport pointent des dépassements budgétaires systématiques, notamment à la présidence de la République et dans les ministères. Et le Conseil de la Nation, équivalent du Sénat en Algérie, a annoncé mercredi 26 février la suspension de ses relations avec le Sénat français pour protester contre la visite lundi et mardi de son président Gérard Larcher au Sahara occidental, territoire où l'Algérie soutient les indépendantistes du Polisario contre le Maroc. L'ex-colonie espagnole du Sahara occidental, vaste zone désertique considérée comme un territoire au statut non défini par l'ONU, est contrôlée à environ 80% par le Maroc, mais revendiquée depuis 50 ans par les indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.